ce vendredi à La Vie en BD. Comment les artistes vivent-ils leur vie? La BD en 3D, des suggestions manga, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans la sphère du 9e art. Et cette semaine, ben entre autres, je trouvais incontournable de plonger rapidement sur le nouvel album de Catherine Oslo. Catherine Oslo qui nous amène toujours de belles réflexions et de belles images également dans les albums qu'elle propose, notamment Talk Show, il y a de ça déjà quelques années. Et elle nous revient toujours du côté de mécanique générale avec ce titre « La vie d'artiste ». Et la démarche derrière ça est quand même assez, je trouve, assez riche, riche en réflexions. En fait, c'est le genre de récit qui anime peut-être aussi des réflexions personnelles. Ici, évidemment, c'est à travers le spectre de l'artiste. Alors, on se demande, en fait, ben, c'est quoi un artiste? C'est quoi le rôle? Comment on chemine un peu dans une démarche artistique, dans une carrière artistique, au bout du compte? Donc, des réflexions un peu sur, d'une certaine manière, peut-être, syndrome de l'imposteur, d'autres façons, ben, le jeu de la comparaison, la conciliation travail-famille, la raison de créer, l'accompagnement aux autres créateurs, là. Donc, plein d'éléments, si on peut dire, donc qui animent un peu cette réflexion dans un type de trame qu'on semble de temps à autre retrouver justement, voire émerger au fil des créations. Alors ça arrive un peu par le biais de la BD. Et ce que je trouve intéressant dans cet album, c'est que Catherine Oslo donc nous amène, mais dans une série d'entrevues et de rencontres qu'elle fait pour peut-être faire cheminer sa propre pensée et par extension, ben nous faire entrer un peu dans justement cette pensée, cette réflexion. Donc à mi-chemin entre l'œuvre un peu journalistique entre guillemets et également l'auto-fiction. Alors on va en parler avec l'auteur dans quelques minutes. Également, en deuxième moitié d'émission, ben, il y aura notamment en fin de parcours Édouard Tremblay, l'un de nos libraires en résidence, et lui va nous amener dans la sphère du manga cette semaine. Plusieurs belles suggestions, alors si vous avez envie de forer un peu de ce côté, ce sera l'occasion. Et il y aura aussi Patrick Marleau qui sera avec nous autour de 18h pour jaser d'une expo qui va être présentée dans le cadre du Festival Québec BD sur la BD en 3D. Alors je trouve intéressant, c'est un projet qui avait monté au départ pour Culture Shawinigan qui va être présenté ici à Québec dans le cadre du festival. Alors ben, d'où est venue l'idée, comment on appréhende un peu le passage, dans le fond, de la 2D à la 3D. Alors, on va jaser de tout ça et autres éléments avec lui en deuxième moitié. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme d'habitude, ben, on commence avec quelques notules d'actualité, et notamment, mais puisqu'on est dans le 31e Festival Québec BD, restons-y un brin. Comme dans les dernières semaines, eh ben, la programmation continue de se garnir sur le site web à tout le moins. En route vers l'annonce de la programmation complète qui aura lieu, j'imagine, dans les prochains jours. Alors, notamment, on a commencé à annoncer ben, différents auteurs et différents ateliers, entre autres Sébastien Gnadig, Lisa Mandel et Boulet, qui seront de passage à l'occasion du festival et qui offriront également samedi 14 avril prochain trois ateliers-conférences à l'attention tout particulièrement d'auteurs de la relève. Alors, M. Gnadig, lui, proposera une conférence sur la façon de proposer un projet aux éditeurs, d'établir une relation avec eux. Donc, comment ça marche? Comment on fait? Quand même intéressant. Boulet, lui, explorera les nouvelles possibilités de narration en bande dessinée ou comment s'amuser avec le médium, donc pour éclater un peu l'univers narratif. Elisa Mandel, elle, s'intéressera au reportage en BD, donc une manière de traiter l'actualité qui est de plus en plus pertinente. C'est gratuit, évidemment, c'est à la Maison de la littérature, donc on parle de quoi, 50-60 places. Alors, on recommande de réserver. C'est pour les auteurs de la relève, mais on s'entend. Je pense qu'on peut aussi se manifester, nous, public, à ce type d'événement-là. Sinon, dans le registre de la programmation, ben, on commence aussi à annoncer des bribes, comme je le disais, entre autres une sieste dessinée. Je dois avouer que ça m'a intrigué. En fait, il y a plusieurs activités qui vont être présentées du côté de la Maison pour la danse, une exposition, une activité de modèle vivant, mais également une sieste dessinée. Alors, une activité de de repos de Saint-Paisible de Paul Bordeleau avec en musique enveloppante. Je trouvais ça quand même bien intriguant. On apprend également que Fabien Toulmé, l'auteur de Ce n'est pas toi que j'attendais, superbe BD d'ailleurs, ben, sera de passage à Québec. Il y a une rencontre également qui est programmée avec lui à la Maison de la littérature, si je me trompe pas. Des expositions également, 28 jours de pluie, entre autres, de Iris, une expo sur Hipster Le Chat, la BD de l'Axon, on en avait parlé la semaine dernière, une exposition également du côté de la galerie Vincent et moi avec Paul Bordeleau, Richard Valran, Tête de Mickey, donc des sérigraphies de portraits d'auteurs, d'autoportraits d'auteurs qui seraient présentés sur la clôture du cimetière Sainte-Mathieu, une exposition autour du projet La Jungle de Sviane, l'exposition rétrospective du Bob sur les 12 dernières années, donc entre autres éléments. Et côté spectacle, on a commencé également à sortir différents éléments, entre autres une soirée de contes illustrés qui sera présentée le jeudi 12 avril le prochain à 20h30 au Musée de la Civilisation, donc avec deux conteurs, deux dessinateurs qui sont en cours de création de manière conjointe. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va en ressortir. Une journée pédagogique au domaine Mézeray avec plusieurs ateliers et activités à tendance BD. Une exposition de bande dessinée en réalité augmentée sur l'avenue Cartier. Donc bref, c'est assez éclaté. On aura l'occasion d'ailleurs la semaine prochaine d'aller, je crois, dans le détail de cette programmation en compagnie du directeur général Thomas-Louis Côté. Sinon, dans d'autres registres, on parle de l'auteur des fantômes de Hanoï, amoureux du Vietnam, Gérald Gorridge, qui est décédé ce mois-ci des suites d'un AVC. Alors, enseignant en bande dessinée à l'École européenne supérieure de l'image d'Angoulême, il avait débuté dans Métal hurlant avec Olika, la dame de Lettonie, scénarisée par Francis Subercase. Alors, passionné, je rappelle, de l'Asie et du Vietnam, il a animé des ateliers de BD au Vietnam, a aidé à faire connaître le maître chinois et Yuzi au public français, entre autres éléments. Et outre les fantômes de Hanoï, il a offert en BD Mangeur de feu et créé une BD. Et dernier notule, dernier clin d'œil, simplement pour mentionner qu'Emmanuel Lepage et son album Armen, l'enfer des enfers, a été distingué au Grand Prix 2018 de la bande dessinée bretonne à l'occasion du festival Peinard BD de Quimper. Alors choisi par les internautes parmi 6 albums, Armen, je le rappelle, l'enfer des enfers est paru aux éditions Futuropolis. Il suit Germain dans les années 60, gardien du phare Armen au large de l'île de Saint à la pointe du Finistère. Alors ben voilà pour ces clins d'œil. Alors on part en musique. Cette semaine, on a la formation Elemental, la formation Acrotic Residue avec l'album Elemental qui nous accompagne en musique. On en écoute de ce pas un premier extrait. Toujours à l'écoute de la vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ la vie en BD. Et maintenant, on plonge dans une sortie, ma foi, toute récente, dont on avait fort envie de vous parler d'ailleurs ici à l'émission. Il s'agit du dernier-né de Catherine Oslo. C'est une bande dessinée qui s'appelle La vie d'artiste. C'est du côté de Mécanique Générale. Catherine Oslo est avec nous au bout du fil pour en jaser. Bonjour. Bonjour. Alors, si on a à décrire peut-être un peu l'esprit de la vie d'artiste, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu vos craintes, vos préoccupations que vous nous livrez dans le fond et à travers tout ça, les préoccupations aussi de gens que vous côtoyez face au métier d'artiste, face à la vie que vous avez choisie? Oui, ben je pense que c'est entre autres ça. Il y a des craintes, des préoccupations, mais je pense qu'il y a aussi peut-être des illumination, c'est peut-être un gros mot, là, mais des inspirations, des conseils, des observations aussi. des rencontres, beaucoup. À la limite, c'est un peu l'impact que peut avoir une entrevue sur la personne qui mène l'entrevue, finalement. Ben, il y a un peu de ça. C'est l'impact de rencontrer des gens, comment l'impact que ça peut avoir sur soi. Donc, il y a cette dimension-là, certainement. Il y a moi qui me pose des questions par rapport à ma vie d'artiste. Et donc, pour ça, je vais à la rencontre de différentes personnes. Je suis curieuse de comment ils vivent leur vie. Et puis, chacun me donne un angle en particulier qu'après, dans mon récit, que j'intègre dans mon histoire à moi. Et l'élément qui a été déclencheur et dans l'album, en fait, c'est une rencontre, un dialogue que vous avez eu avec le cinéaste Raphaël Ouellette. Et ça a fait un peu évoluer aussi votre posture, votre réflexion face à ce projet que vous aviez amorcé. Ben, en fait, j'avais déjà amorcé le projet avant de rencontrer Raphaël. J'avais déjà eu l'idée de faire une autofiction parce que c'était un genre qui m'intéressait beaucoup, entre autres au cinéma. J'avais vu des films qui m'avaient beaucoup inspirée. Et puis, en bande dessinée, il y avait La collectionneuse de Pascal Gérard que j'avais trouvé vraiment le fun à lire. Puis, je trouvais que Pascal, il jouait beaucoup avec son avatar. Puis, je trouvais ça intéressant. Et donc, j'ai déjà commencé ce projet-là d'autofiction. Et j'avais aussi l'idée de faire un livre d'entrevue. Et j'avais aussi l'idée de faire quelque chose sur la vie d'artiste. Et quand j'ai rencontré Raphaël, on a un peu discuté. Puis, c'est après cette rencontre-là, je me suis dit que j'avais comme envie de faire une entrevue avec lui. Et donc, il fallait que je trouve une façon, finalement, de faire mes trois projets ensemble. J'arrivais pas à me consacrer juste à l'autofiction ou juste à l'entrevue, etc. Donc, c'est un peu à la suite de cette rencontre-là que ça a amorcé comme la réflexion qui a donné la genèse de ce projet-là. Et à partir de ça, dans le fond, on décline justement sur une série de rencontres d'intervenants quand même assez variés justement en termes de discipline, en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de relations avec leur pratique. Oui, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'était pas de rester en bande dessinée parce que je connais déjà, tu sais, j'ai déjà des amis en bande dessinée, puis j'avais envie de découvrir des choses nouvelles. Et donc, il y a Julie quand même qui fait de la bande dessinée, Julie Delporte qui est dans le livre, mais sinon, j'avais envie d'avoir un éventail de disciplines différentes parce que j'étais curieuse de voir, comme justement Raphaël, moi, le métier de réalisateur m'intrigue beaucoup. Et donc, j'étais curieuse d'avoir le point de vue, de voir en quoi peut-être les freins peuvent être similaires ou les défis, puis tout ça, similaires et différents. Après Micheline Langteau, j'ai eu l'idée d'aller la rencontrer parce que j'avais vu Marcel Jean qui lui m'avait orienté vers les luttes, qui est une chose à laquelle j'avais jamais réfléchi. Il y avait tout un peu le discours, pas le discours mais une façon de parler des luttes comme gagner une bataille à la fois, construire brique par brique, un peu des métaphores de bataille et de combat. Et j'ai pensé à Micheline Langteau, je me suis dit, pour une femme de son âge, être aussi pertinente encore, aussi présente et aussi forte, j'avais envie de savoir quelle lutte elle avait menée et comment elle les avait menées. Et donc, c'est ça, après Daphné B, qui, dans la vingtaine, j'étais curieuse de savoir comment elle envisageait sa vie d'artiste. Etc. Et évidemment, au fil des rencontres, ça résonne de manière différente et d'ailleurs cumulative un peu. On a l'impression, justement, dans votre cheminement à vous, ça fait résonner aussi des éléments dans notre réflexion qui est animée par votre ouvrage, évidemment. Et en même temps, il y a des moments, des petits éléments où on a l'impression que ça a peut-être pu allumer certaines étincelles chez vous aussi, peut-être, au fil des rencontres. Vous parlez de Marcel Jean, notamment, où à un moment donné, il vous donne, entre guillemets, il vous donne la permission d'être un peu narcissique d'une certaine manière en disant mais il faut que l'artiste il soit pour réussir à cheminer, à évoluer, à combattre, pour reprendre l'analogie de la lutte. Ben oui, puis ça c'est quelque chose qui fait du bien entendre. Je trouve que Marcel Jean, en fait, sa présence dans le livre aussi, je la trouvais importante. C'est pas un artiste, c'est le directeur de la Cinémathèque, puis c'est un producteur aussi. Il a été producteur de films d'animation à l'ONF pendant longtemps. Mais je trouvais que son centre-là, c'était intéressant parce que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les artistes et qui aime les artistes. Et donc, parce que quand t'es artiste, t'es souvent, je trouve en tout cas, exposé au discours de « on sait bien les artistes, hein, t'es un peu condescendant, vous êtes un peu on sait bien, vous êtes narcissique, des trucs comme ça. Des fois, c'est amical, mais en même temps, c'est un peu... je trouve ça un peu pénible parfois, puis d'avoir quelqu'un qui dit que ben, si t'es pas narcissique, tu pourras pas te faire parce que c'est vraiment une vie qui est pas facile. Et moi, je trouvais ça agréable. Sinon, il y avait Emmanuel Caron aussi qui avait quelque chose d'intéressant à dire par rapport à une persona. C'est comme une facette de toi qui est plus publique et qui introduit pour moi l'idée de la protection. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi. C'est quelque chose qui se répercute dans le livre ensuite par la suite de cette rencontre-là. Fait que oui, il y a plein de petits morceaux comme ça que j'intègre à ma vie. Ouais. Et il y a des éléments en fait qui sont importants dans la mesure où il y a beaucoup qui est amené par le texte. En fait, le texte est très présent dans la vie d'artiste. Mais en même temps, je prends l'exemple de Micheline Langteau. Le contexte dans lequel vous placez vos intervenants complète peut-être aussi. Exemple Micheline Langteau qui parle de résilience d'une certaine manière, qui parle de force, qui parle de lutte. Mmh. Et vous la placez en pleine action, en pleine natation, lutte contre les éléments et le reste. Donc ça donne une dimension additionnelle peut-être au discours qu'elle porte. Ben oui, je trouvais que c'est intéressant de refléter dans le décor un peu le ton de l'entrevue. Donc oui, Micheline Langteau, j'ai eu l'idée de la mettre à faire des longueurs dans une piscine parce que je trouvais que ça reflétait la persévérance, l'endurance, la force, parfois peut-être la résilience aussi. Raphaël Ouellet, je l'ai mis au Biodôme parce que je trouve que c'est un endroit qui est un peu mélancolique et par rapport, étant donné que mes personnages sont tous en forme d'oiseau, tu sais, il y a quelque chose aussi, des décors en plastique au Biodôme, des animaux dans des décors qui sont pas à eux, tu sais, il y a comme toute la question de trouver sa propre voix puis d'être à sa place aussi là-dedans que je trouvais intéressant. Julie et Daphné, on parlait beaucoup de... dans la conversation avec Julie Delporte puis Daphné B, il y a un thème un peu sous-jacent qui est l'idée du couple parce que on se retrouve dans une librairie pendant qu'il y a un mariage. La librairie est fermée pour laisser place à un mariage d'auteur. Et donc, il y a toute l'idée, je trouvais, de l'engagement. Et en fait, c'est avec elle, on parlait en fait d'engagement envers notre travail, envers faire des livres, tout ça. Donc c'est un peu ça le mariage, tu sais. Mais tout ça se déroule sur un fond de mariage d'auteur un peu comique. Donc j'ai essayé de choisir des environnements qui collaient bien au discours puis à la personnalité des gens que je rencontrais, oui. Et c'est important ce que vous avez mentionné aussi, Catherine Oslo. En fait, vos personnages, vous leur donnez à tous et à toutes, en fait, une allure de volatile, essentiellement sans visage. En fait, ils sont tous un peu similaires, sauf par le contenu, les discours qu'ils portent, sauf par la couleur qu'ils ont. On se sent un peu comme en observation d'une certaine manière, donc où on observe une espèce, les artistes, et on les voit sous un panorama de couleurs, de perspectives, d'une manière. Oui, mais c'est ça l'idée derrière les oiseaux. Je l'ai pas choisi consciemment. Après, je pense que ça m'a plu, entre autres à cause de ça. J'ai vu aussi de la fragilité par rapport, je sais pas, aux plumes et tout. Ça faisait longtemps que j'avais commencé à faire des personnages en forme d'oiseau, mais sans avoir mené à terme un projet avec. Là, je m'étais jamais engagée avec ces personnages-là dans un vrai projet, en fait, ce que je veux dire. Et là, je trouvais que ça se prêtait bien à ça aussi. Il y avait ça réglait pour moi le problème de faire des portraits qui étaient ressemblants. Mm-hmm. J'aurais eu de la difficulté à faire ça, à tenir tout le long du récit que le visage soit ressemblant. J'aurais trouvé ça difficile, ouais. Et en même temps, ça nous ramène, évidemment, sur le discours, parce qu'on peut pas se rattacher aux expressions du visage, mais d'un autre côté aussi, ça vous oblige peut-être un peu à jouer beaucoup avec le langage du corps, avec les postures, avec les positions, qu'on soit renfermé, qu'on soit ouvert, et le reste. Donc, ça donne une autre, j'imagine, dynamique, côté dessin, côté travail. Oui, je trouvais ça intéressant de travailler plus le mouvement des personnages, leur posture, effectivement. Je trouvais ça bien. Puis de travailler leur couleur aussi. C'est vrai que ça faisait joli, même juste esthétiquement, d'avoir des plumes de couleurs différentes pour chaque personne. Puis surtout, ben, comme tu disais tout à l'heure, il y avait vraiment aussi l'idée de me concentrer sur ce qu'il disait. Tu sais, je préférais qu'on s'attarde vraiment à ce que Micheline Langteau dise, qu'on se demande si ça lui ressemble vraiment ou ah. Elle n'a pas vraiment l'air de ça, ou qu'on se pose la question, pour moi, ça aurait enlevé un peu de fluidité dans le récit. Et évidemment, quand on parle aussi de la vie d'artiste, il y a une part importante qui est liée, on le mentionnait au départ, à cette dimension d'autofiction. Donc, vous nous amenez aussi un peu dans des éléments de, bon, évidemment, la réflexion fait partie de votre intimité, mais aussi dans des moments d'intimité réelle ou semi-réelle. Est-ce que ça devient aussi un peu une manière de garder un filtre sur cette intimité-là, de mettre en scène votre fille, mais de pas la représenter physiquement, dans le fond, si on peut dire? Oui, oui, tout à fait. Ça garde une certaine protection. D'ailleurs, c'est ma fille, mais c'est pas ma fille non plus. J'ai changé son nom. Tu sais, ça permet de garder une certaine distance. C'est certain aussi. Puis pour moi aussi, tu sais, je me livre, mais je reste quand même. J'ai beaucoup de pudeur. Donc, okay. Oui. En même temps, on fait le pont un peu justement à travers ces choix qu'on perçoit comme lecteur, qui sont peut-être un peu explicités ou mis en exergue dans la conversation que vous avez justement avec Julie Rochelot, entre autres, qui se livre, pas Julie Rochelot, Julie Delporte, se livre beaucoup dans ses albums, dans ses récits, et donc dans cette dichotomie-là entre justement le moi sur papier, le moi réel, et à quel point, dans le fond, on se laisse aller, on dévoile son intimité, dans le fond, à travers les pages, ou non? Oui, ben tu sais, pour moi, ça a été quand même des grosses questions là, de voir justement, comme tu parlais de ma fille tout à l'heure, est-ce que je la montre ou pas, qu'est-ce que ça implique, tu sais. Ça, pour ça, Daphné et Julie, la discussion que j'ai eue avec elles sur l'autofiction m'a quand même aidée à me donner l'autorisation de parler de ce dont j'avais envie de parler. T'sais, je parle aussi de ma mère. À un moment donné, il y a une scène qui se déroule avec ma mère. Pour moi, ça m'a aidé à prendre ces décisions-là. Mais en même temps, je pense que je l'ai fait avec c'est pas une retenue, mais c'est ça. Je pense que avec une certaine pudeur, puis avec vraiment dans l'idée de choisir ce que j'allais livrer pour faire avancer mon histoire, en fait, que ça s'imbrique bien dans mon histoire. Exact. En fait, qu'on comprenne que les moments d'intimité, que ce soit dans votre rôle de mère, que ce soit dans les réflexions qui sont induites par votre quotidien, qu'on puisse les raccrocher à des éléments, des conversations, des rencontres, qu'on sente que la réflexion se fait aussi en dehors de ces rencontres-là. Ouais, c'est ça, c'est les deux vraiment qui se répondent, qui tissent le récit. C'est vraiment entre les rencontres que je fais à l'extérieur et celles que je fais au final avec moi-même. Et à travers tout ça, évidemment, ben, je pense que on comprend bien, en fait, c'est un discours sur bon, on en parlait au départ, bon, il y a des dynamiques de doute, de réflexion, de remise en question positive, en fait, au bout du compte, parce que ça reste pertinent et nécessaire, je pense, de se remettre en question. Mais tout ça dans une ambiance qui est, je trouve, très calme, en fait, par les couleurs, par les dessins, par l'esprit qui se dégage de l'album. Il y a comme une sérénité dans le questionnement qui s'en dégage, je trouvais. Ah oui? Oui. Ah oui? Ben écoute, oui, je sais pas, c'est un album, ça n'a pas été facile à faire parce que ça a été très très long. C'est pour chaque rencontre, les artistes ont été vraiment super, hein, ils m'ont donné beaucoup de temps, tu sais, ils se sont énormément livrés. Après, je retournais chez moi avec beaucoup de stock. Et donc, il fallait que je fasse un verbatim d'une rencontre de 3-4 heures, puis après, il fallait que je détermine qu'est-ce que j'allais garder. Et pourquoi? Et tu sais, parce que c'est finalement ce que tu gardes dans 10 pages de bande dessinée, c'est 1/20 d'une conversation. Et donc pour ça, ça a pas été facile à faire. Ça a été un travail assez gigantesque que j'ai trouvé. Mais c'est vrai que je dis pas que c'est un livre qui a été apaisant à faire, mais c'est pas un livre qui s'est fait dans le grand tourment, là, pas du tout. J'ai pris, tu sais, c'est vraiment, et comme le livre est présenté en plusieurs chapitres, en plusieurs scénettes, ben je l'ai vraiment pris un morceau à la fois, puis Oui. Et puis choisir en fait de commencer aussi avec des moments plus humoristiques, peut-être un peu plus absurdes aussi, de nous happer un peu comme ça, puis ensuite d'amener justement les questionnements, en gardant quand même aussi dans certains choix de lieux, d'ambiance et des segments plus humoristiques, plus absurdes aussi pour, apporter un contre-pied au contexte des propos qui sont quand même très sérieux par moment aussi, puis assez intenses, on va se le dire aussi. Ouais, mais parfois ça c'est sérieux, oui. Mais je trouve que même quand c'est plus humoristique, comme au départ, peut-être faire référence à la scène avec le recteur de l'université qui veut m'inviter à un panel et tout ça, tu sais, c'est quelque chose d'assez comique. Mais en même temps, c'est sérieux parce que je peux pas y aller parce que quand il se rend compte que j'ai plus de 35 ans, ben il me dit qu'il peut pas recevoir le financement pour son panel et donc je pourrais pas participer avec Lina Dunham puis Xavier Dolan puis Greta Gerwig, je peux pas participer au panel à son université. Et puis cette scène-là est plutôt comique là, peut-être pas comment je la raconte en ce moment dans le livre, elle est plutôt comique, sauf qu'en même temps je parle du milieu littéraire qui a pas d'argent, je parle du fait que quand t'as 43 ans d'avoir les bourses et pour le financement et tout ça, il y a un paquet de trucs auxquels t'as plus accès, tu sais, ça me permet aussi de parler de ça un peu pas par la porte d'en arrière là, mais en riant un peu, quoi. Oui, en riant, puis en amenant, ben justement, ouais. On amène la réflexion différemment, un peu comme quand vous vous retrouvez dans un arbre avec Natacha, dans un des chapitres, ben en fait, le lieu est improbable, la conversation, elle reste probable, mais on dirait qu'on crée une dynamique, justement, un détachement peut-être entre le lieu et la discussion, mais en même temps, on parle du jeu d'équilibriste, des choix de vie qu'on fait, et donc on se retrouve aussi littéralement dans cette perte d'équilibre-là, au bout du compte. Ben oui, il y a ça. Il y a aussi la différence entre Natacha qui, elle... Natacha, c'est une rencontre qui a lieu au début aussi. C'est la première entrevue que je fais. Puis Natacha, qui elle, va super bien dans son travail. C'est Natacha Kilton, une artiste d'art conceptuel qui là, elle vraiment est dans son âme, puis elle est debout, puis elle marche sur les branches, puis elle s'assoit, puis elle observe avec sa longue vue, puis tout ça. Et moi, je trouvais ça drôle, l'idée que j'arrive pas à me tenir debout sur l'arme. J'ai peur, je passe proche de tomber au départ, je finis par tomber. Mais je trouvais ça drôle aussi que je sois pas dans mon arme, en fait. Mm-hmm. Je suis dans l'arme de quelqu'un d'autre, tu sais. Puis en art, souvent, il me semble, on peut être porté à regarder le travail des autres, à parfois l'envier, tu sais. Alors que ça n'a rien à voir. Puis je demande à Natacha de m'aider d'ailleurs. Puis elle me dit je vois vraiment pas ce que je peux faire pour toi. Je lui demande de m'aider à me sortir de l'arbre, à descendre, à me relever, tout ça. Puis elle peut rien faire. Donc c'est un peu une métaphore pour dire va faire tes trucs à toi. Puis laisse-moi dans les miens. Puis tu sais. Et est-ce que justement, à travers le travail qu'a représenté la vie d'artiste, les rencontres aussi, le côté se livrer un peu à travers le livre, est-ce que tu as l'impression d'avoir cheminé? Est-ce que tu as l'impression que ce livre-là, pour toi, a atteint un objectif particulier, une résonance particulière peut-être? Ben, je pense que tous les projets qu'on fait nous transforment. Celui-là est spécial pour moi parce que j'ai quand même passé plusieurs mois. Donc ça a été un gros travail volumineux, puis c'est sûr que j'en retire quelque chose parce que c'est une autofiction aussi, parce que il y a ça aussi, ça fait partie des choses dont on parle dans le livre, tu sais, c'est vraiment une prise de parole qui se fait quand tu fais une autofiction, c'est toi, tu te commets, c'est assez frontal, je trouve, et donc ça, c'est sûr que ça c'est Il y a une répercussion sur toi. Je te dis pas que je suis complètement transformée puis je me reconnais pas là. C'est pas ça du tout, mais c'est sûr que ça m'a apporté quelque chose. En tout cas, j'ai trouvé certainement toutes les rencontres super enrichissantes. Ça, c'est sûr. Et la rencontre avec Marcel Jean amène un peu un prochain projet aussi parce que là, vous allez amorcer une collaboration avec la Cinémathèque. Oui, ça c'est un projet vraiment génial. Je commence une résidence d'artiste la première semaine d'avril à la Cinémathèque, qui va se poursuivre sur une quarantaine de semaines. Et donc, je sais pas si tu as le temps que j'en parle un petit peu. Oui, mais ça va être un peu sur justement le enfin encore des entrevues, mais à travers des films, des spectateurs que tu vas rencontrer, des... Ben, c'est qu'en fait, à chaque semaine, je vais sélectionner un film, puis après la projection, je vais m'asseoir avec un spectateur. Je vais m'asseoir dans mon atelier, puis on va discuter du film, de ce que le film a évoqué, comment on l'a reçu. Ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire quel angle. Et après, moi, ce que je vais faire, c'est une image qui va s'inspirer de mon expérience du film, de la discussion que j'aurai avec le spectateur, et c'est ça. Donc, ça peut être un collage, une illustration, peut-être que ça pourrait même être une photo que je prendrais. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir, de me pencher sur l'impact du cinéma sur nous. Donc, je suis super contente de commencer ce projet, oui. Puis on va être très curieux de voir le résultat aussi, ça c'est pas mal certain. Hey, Catherine Oslo, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. À une prochaine. À bientôt. Alors voilà, je rappelle Catherine Oslo qui est avec nous, vient de nous offrir chez Mécanique Générale un livre qui s'appelle La vie d'artiste, un livre qu'on vous recommande d'ailleurs, sans gêne du côté de la vie en BD. Vous êtes toujours à la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude. Et ben le Festival Québec BD s'en vient, 31e édition du 5 au 15 avril prochain, avec plusieurs expositions, activités, autres éléments qui vont commencer peut-être un peu en amont, se terminer également un brin en aval. Et là-dedans, ben, il y a aussi un volet numérique qui s'est développé. Il faut dire que c'est la semaine numérique de Québec en plus en même temps. Alors, ça amène un peu à s'intéresser à d'autres types, d'autres gammes de médiums pour explorer justement la bande dessinée. Et entre autres, dans les éléments qui ont été annoncés à date, il y a BD en 3D. Donc, une exposition qui va être présentée à la Bibliothèque Gabriel-Leroy du 4 au 15 avril prochain. Et c'est une exposition qui a déjà été présentée aussi du côté de Shawinigan, à l'initiative, entre autres, de Culture Shawinigan, et c'était Patrick Marleau qui pilotait justement l'initiative, et je me suis dit, ben apprenons-en un peu plus sur tout ça, d'où ça vient et où ça s'en va. Patrick Marleau est avec nous, bonjour. Bonjour. Alors ben justement, peut-être l'idée au départ, est-ce que c'est une idée qui est venue à toi et que tu as approché ensuite Culture Shawinigan pour monter le projet? Ben tout à fait, c'est venu assez spontanément, je dirais. Donc l'an dernier, lors du festival BD qui a lieu à Shawinigan, les univers givrés, donc ils avaient en démonstration l'appareil HTC Vive, on pouvait faire du dessin en direct, puis également tester donc sur les lunettes juste une espèce de petit vidéo comme ça. Et puis évidemment, ben tous les illustrateurs qui étaient sur place et moi, ben on a vraiment trippé à essayer ça, expérimenter ça. Donc rapidement, on s'est mis à parler entre nous. Ouais, ce serait intéressant de faire de quoi sur la BD et tout ça. Donc j'ai pris la balle au bon, tout simplement. J'ai monté un petit projet rapidement, je l'ai proposé à Culture Shawinigan, donc il était déjà outillé tout ça pour le faire, pour la mettre en œuvre. Et Brian Perrault, donc évidemment de Damos d'Aragon, qui était à la tête de Culture Shawinigan, était très enthousiaste évidemment, donc il nous a donné le feu vert pour mettre sur pied ce projet-là. Parle-moi un peu des outils, en fait, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers. Donc c'est d'un côté un logiciel de dessin, d'autre côté c'est un peu des lunettes de type Oculus ou autre? Ouais, ben en fait, pour créer le dessin lui-même, c'est avec l'appareil HTC Vive et le logiciel Tilt-A-Brush, donc où on peut vraiment faire du dessin en direct, mais créer un univers 360 degrés, en fait. Et pour regarder l'expo, donc, c'est avec juste un casque avec des lunettes Samsung Gear, en fait, qu'on peut rentrer dans ce monde immersif-là, tout simplement. Et à l'aide d'une chaise aussi pivotante, donc ça nous permet de se promener, de balayer le regard de haut en bas et de gauche à droite. Donc ça peut dire, dans le fond, au dessinateur, plutôt que de faire un dessin 2D classique, dans le fond, on dessine une bulle, essentiellement? Effectivement. Donc c'est comme si on rentre vraiment dans le dessin. Donc pour eux, c'était tout un défi, évidemment. Donc les participants, peut-être les mentionner aussi rapidement. Donc évidemment, l'idée, c'était d'aller chercher des univers différents aussi à proposer. On a évidemment pigé dans la bande dessinée jeunesse humoristique, grand public. C'est évidemment, on voulait recueillir le plus de gens possible aussi. Et donc, on a 5 tableaux, en fait. Alors, il y a l'agent Jean avec Alex A. Il y a Maxime Cyr qui est venu faire un dessin des dragouilles. Dans la tête de François avec Marc Bruno. Biodôme de Yoann Morin de Québec. Et donc, dans une galaxie près de chez vous aussi qui ferme ces tableaux-là avec Julien Paris-Sorel. Donc, le but aussi, c'est d'aller chercher des illustrateurs d'un peu partout. De différentes maisons d'édition, on sait, parce qu'on sait quand même dans ce milieu-là de l'édition. C'est quand même délicat, on faut pas faire de faveur à n'importe qui. Donc c'est un peu tout ça le défi de coordonner tout ça. Et pour les illustrateurs, donc pour eux, c'était la première fois qu'ils utilisaient ces outils-là. Alors tout au long de la dernière année, à partir de l'été jusqu'à la fin de l'automne, donc ils sont venus périodiquement faire des résidences comme ça à Shawinigan. Ils avaient 3 jours pour apprendre à apprivoiser la machine, l'appareil HTC Vive et faire leurs dessins. Et justement, en termes de, bon, on dessine pas ni toi ni moi, Patrick Marleau, ouais. Mais par contre, on observe les dessinateurs, on en voit, on en lit. On les envie aussi. Oui. Et justement, en fait, comme vraiment t'as perçu peut-être de l'extérieur l'appropriation qu'ils ont réussi à faire de ces outils-là, parce qu'on s'entend, les 5 que t'as mentionnés dessinent avec du numérique, sont habitués avec à peu près beaucoup de logiciels de dessin. Mais j'imagine que quand on passe d'un dessin donc bidimensionnel et là on dit ben crée une bulle, essentiellement remplis cette bulle là, tu parlais d'appropriation tantôt, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été facile? Ben écoute, c'est quand même des gens de talent là, fait que je dois souligner, donc habituellement ils pigent vite les choses, hein, fait que ça c'est encore plus frustrant de les voir aller. Mais pour eux en fait, c'était passé d'un mode de dessin à sculpteur en fait, finalement ils sculptaient virtuellement cette bulle-là, cette case-là. Alors, c'était impressionnant à voir l'évolution. Donc, pour eux, c'est évidemment, c'était un terrain de jeu incroyable. Surtout au moment de la création, lorsqu'on le voit, on peut pas nécessairement se promener dans la bulle, mais eux, lorsqu'ils le créaient, évidemment, ils pouvaient travailler de tous les sens et donc, ils pouvaient... Non, c'est vraiment la sculpture, parce que le personnage est vraiment en 3D, nécessairement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais faut que tu me détailles un peu pour que je me fasse l'idée. Dans le fond, si quand ils font le dessin, ils ont les lunettes, ils se promènent un peu dans l'espace virtuel, mais dans l'espace réel aussi. Effectivement, ils ont un petit espace parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer très, très loin. Mais avec justement cet appareil-là et 2 manettes dans les mains, donc ils vont réussir à sculpter un environnement que nous, on peut voir en direct sur un écran. Ça aussi, c'est intéressant. Mm-hmm. Et donc, ils vont se promener un petit peu, évidemment. Donc, ils vont être face des fois donc au moniteur pour faire le dessin de face, mais après ça ils vont se tourner évidemment pour aller faire le derrière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent agrandir aussi leur champ de dessin et tout ça. Donc ils peuvent créer vraiment des petits détails à cause de cette technologie là. C'est vraiment assez hallucinant les voir aller. Et ils travaillent dans le fond avec des manettes, donc on n'est pas exactement dans la tablette graphique qu'ils utilisent habituellement. Effectivement, je dirais l'équivalent. En tout cas pour les manettes, ça peut ressembler à un jeu de Wii. Donc pour ceux qui se rappellent de cette console-là, déjà, il y a quelques années, qui est un peu démodée aujourd'hui, mais qui avait évidemment, donc. Il y a encore des très bons jeux. Ouais, tout à fait. Donc, on se souvient, cette manette-là de Wii qu'on tient pour interagir avec les jeux. Donc, c'est un peu ce même principe-là, même type de manette. Donc, un peu avec le pinceau, puis. Ouais, tout à fait. Alors, là, ils ont une gamme d'outils, là, qui ont accès. Un peu comme dans les jeux aussi de guerre et tout ça. Donc, ils vont sélectionner leur genre de pinceau, l'épaisseur et tout ça. Donc, ouais, c'est assez sophistiqué, honnêtement, comme logiciel. Et assez impressionnant de voir le résultat. Et donc, dans le fond, le rendu, tu m'as envoyé quelques clips, justement, pour que je me fasse une idée. On se retrouve donc dans cette bulle-là. Et là, essentiellement, dans le fond, le dessinateur nous offre un décor, une mise en scène. Souvent, en fait, la plupart des dessinateurs semblent avoir été vers une scène d'action. Donc, on se retrouve un peu en plein milieu d'une action ou dans une courte animation d'une action. Non, tout à fait, évidemment, c'est de rendre un dessin dynamique, justement. Donc, tu l'as bien dit, C'est une scène où les personnages sont effectivement en mouvement. En mouvement, ils sont fixes, mais on est dans une scène très dynamique. Donc, on peut observer justement tous ces petits détails-là. Donc, habituellement, la façon que les tableaux sont présentés, en fait, il y a un point de départ, évidemment. Et chaque scénette, chaque tableau, dans le fond, est, on y a droit à 2 minutes où on peut, en premier lieu, voir l'évolution de la création du dessin lui-même. Et ensuite, là, on a une bonne minute pour observer le dessin et de voir tous les points où on a mis l'emphase là sur ce qui se passe dans cette case-là. Et Patrick Marleau, en fait, quand tu as approché les artistes justement pour travailler sur le projet, est-ce que tu as donné justement une ligne directrice, scène d'action ou le reste, ou tu as dit au contraire, explore, approprie-toi ça, puis fais quelque chose? Non, effectivement, ils avaient vraiment carte blanche. Tout simplement, c'était de s'amuser, de tester, de voir les possibilités de ce que cette machine-là pouvait leur offrir également, et de tout simplement s'éclater. Et je pense que dans la sélection, c'était d'avoir justement des univers très très différents, donc avec l'agent Jean, on est dans son laboratoire évidemment, dans son repère où il y a une explosion, dans le biodôme évidemment, on est allé dans une séquence extérieure de nature, donc dans la neige aussi, ce qui est intéressant, on a un autre environnement, dans une galaxie près de chez vous évidemment, on est dans l'espace, donc ça c'est intéressant, et d'ailleurs on voit les personnages en dehors du vaisseau, donc en costume, et évidemment attaqués par une créature extraterrestre qu'on n'a plus jamais voir dans la série ou les films, évidemment, faute de budget. Mais là, évidemment, avec ces dessins, ben là, c'est la beauté de la chose. On peut se permettre plus de folie comme ça. Et j'imagine, en fait, justement aussi la dynamique de l'espace. En fait, parce que veux pas dans l'expérience, on est un peu, il y a un côté immersif évidemment ouais. Là-dedans. Donc dans l'espace, où il y a pas nécessairement de finalité, ça doit donner une ambiance plus particulière comparativement à un dessin de laboratoire ou un paysage qui est peut-être de nature plus fermée d'une certaine manière. Ah, vraiment, dans une galaxie près de chez vous, donc illustré par Julien Paré-Sorel, j'ai été assez époustouflé. C'est déroutant même, parce que évidemment on a vraiment l'impression d'être dans l'espace. Il y a pas de fond quand on regarde en bas de nous, c'est l'infini. On pouvait imaginer ce que c'était être dans le film Gravity, mettons, de tourner des séquences mm-hmm. comme ça. Bon, on a cette impression là de vide et d'infini. C'est assez intéressant ce que ça fait au cerveau, en fait, parce que c'est ça aussi, ça joue sur nos sens, sur nos perceptions, cette réalité virtuelle là. Donc c'est vraiment une expérience sensorielle assez originale et intéressante. Oui, puis surtout, en fait, j'imagine qu'il vient complémenter, parce qu'on expérimente beaucoup, on voit dans des Comic-Con et autres, il y a toujours la console Oculus avec le jeu qui nous fait peur, qui nous fait faire des sauts. Il y en a de plus en plus comme ouais. ça, à tendance immersive. Et là, j'imagine, c'est un peu l'idée de voir, parce que dans le fond, c'est une narration, jeu vidéo, un style de narration pour lequel on est familier. Et l'idée de la case BD, ben là, de nous amener justement une certaine action. Et le reste, c'est d'explorer peut-être un peu les possibilités narratives qu'un outil comme ça va pouvoir offrir, mais un mesum qui est peut-être un peu plus statique. Ouais, ben effectivement. En fait, il y a déjà quelques nos illustrateurs ou créateurs qui ont commencé à développer des bandes dessinées sur le site, entre autres, d'HTC Vive. Donc, il y a beaucoup de gens qui postent, qui mettent leurs trucs où on peut aller voir. J'en ai vu quelques-unes. Alors, ça, c'est assez intéressant. Donc, dans le fond, on est dans une case qui rentre toujours dans une autre case. Mais on peut revenir. Donc, il y a un chemin à suivre. Donc, c'est assez intéressant ce qu'on peut faire. Donc, je pense que, en fait, la réalité virtuelle n'est plus dans le futur. Elle est parmi nous. Elle est de plus en plus présente. De plus en plus d'artistes, de gens importants s'y associent. Entre autres, Disney, là, avec Star Wars, qui prépare un grand jeu très important sur Darth Vader. Il y a les artistes, les chanteurs ABBA, entre autres, qui ont signé un contrat aussi. Même les manèges et tout ça, les parcs thématiques l'utilisent maintenant. En plus de faire les montagnes russes, ben là, on a un casque, fait que c'est encore deux fois plus déroutant. Donc, c'est de voir ce qu'on peut faire avec cette technologie-là. Et je pense que le médium de la bande dessinée, ben c'est sûr qu'il va toujours rester de la BD en livre. Là, ça, c'est certain. C'est pas ça le débat. Mais je pense que ça va amener une autre façon de consommer probablement la lecture, la bande dessinée, c'est sûr qu'il y a des choses à faire avec oui, ça. Oui, parce qu'en fond, on s'entend qu'en format numérique, ça a pas la bande dessinée n'a pas réussi vraiment à trouver sa place. Il y a peut-être Marvel un peu avec ses applications ouais. qui a fait quelque chose de fonctionnel, mais on est resté quand même très attaché au livre, ouais. Encore peut-être plus qu'en littérature traditionnelle. Donc peut-être que justement des éléments comme ça vont vraiment faire émerger peut-être des pistes pour ce que pourra devenir la BD hors du livre. Je pense que ça va devenir un complément. Tu l'as souligné. Je pense que surtout en bande dessinée, le livre-objet est là, c'est important de le consommer. On dirait que la bande dessinée américaine, c'est plus un roman feuilleton, donc ça se consomme peut-être plus, un peu comme le manga aussi sur la tablette. Mais la bande dessinée franco-belge, il y a encore Il y a beaucoup de BD qu'on s'imaginerait pas lire sur le petit écran. Effectivement, il y a quelque chose de noble de lire ces grands formats-là, de voir ces beaux dessins-là. Donc, je pense que ça va rester, effectivement. Mais donc, oui, ça peut venir une complémentarité très intéressante. Et de ton côté, en fait, avec Culture Shawinigan ou avec le Festival Québec BD ou d'autres opportunités, est-ce que c'est quelque chose qui... Ou avec Perrault Éditeur, parce que tu es associé toujours aux collections là-bas, est-ce que c'est quelque chose qu'on va vouloir pousser, essayer de développer un peu? Tu parlais de narration plus développée. Au-delà de la première scène, si on peut dire, en 3D? Écoute, c'est sûr qu'on a plein de projets. Shawinigan est en train de se créer un nom, un créneau avec ce côté-là virtuel. D'ailleurs, Gigi Hub, c'est ça, et qui vont assurer donc toute question technologique pour le sommet ici qu'il va y avoir à Charlevoix. Donc, le G20, je pense. Donc, Shawinigan mise beaucoup là-dessus. Ils sont très, très outillés en tout ce qui est en réalité virtuelle avec des caméras et tout ça. Donc, oui, dans les prochaines semaines, c'est des choses que je dois aborder avec eux pour voir la suite des choses. Pour l'instant, on va promener cette expo-là justement un peu partout dans les différents salons du livre, Comic-Con aussi à Montréal, les différents événements culturels ou littéraires pertinents. Jusqu'à l'heure, on a une très bonne réception. Les gens sont très curieux, intéressés de d'accueillir cette expo-là. Donc, on va la rouler un petit peu. Peut-être même rajouter d'autres tableaux l'an prochain aussi. C'est quelque chose qu'on aimerait bien la faire grandir un petit peu. Mais oui, c'est sûr que le virtuel elle est là pour rester, ce n'est que le début. On va en entendre parler longtemps encore de cette technologie-là. Alors, on va trouver donc cette introduction, si on peut dire, à cette technologie qu'on pourra découvrir, je le rappelle, dans le cadre du 31e Festival Québec BD. C'est gratuit, c'est à la Bibliothèque Gabriel Leroy, à partir du 4 avril jusqu'au 15. Donc, pas mal d'opportunités d'aller expérimenter. Patrick Marleau, merci d'être passé pour nous en jaser. Merci pour votre intérêt. Et je rappelle, en fait, d'ailleurs, pour la programmation du festival sur québecbd.com, il y a déjà pas mal de trucs qui ont commencé à ressortir. Dernière ligne droite de la vie en BD, ligne droite qu'on partage avec l'un de nos libraires en résidence, Édouard Tremblay de la librairie Pantoute. Bonjour. Bonjour Raymond, bonjour à tes auditeurs. Et Édouard, cette semaine, en fait, tu as décidé de nous amener, de faire une belle plongée là avec nous dans la sphère du manga. Dans la sphère du manga, oui, afin de poursuivre cette longue quête que j'ai entamée il y a déjà quelques années, pour montrer aux gens que le manga, au-delà des séries, hein, pour les jeunes lecteurs, c'est un genre littéraire en soi qui est très varié et qui va nous faire nous promener là, à travers une multiplicité d'univers, d'horizons et d'approches différentes. Et justement, les trois titres que tu nous proposes sont d'apanage d'ailleurs fort différents. On commence avec un premier, c'est To the Abandoned Sacred Beast de Maybe. Oui, nouvelle petite série, en fait, qui a commencé tout récemment, 4 tomes de paru, et vraiment une belle série dont j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'ambiance et tout. On est dans un contexte de très dark fantasy, donc un univers fantastique, hein, mais très, très sombre, un peu gothique, dans un contexte qui fait vaguement autant rappeler la guerre de sécession en ce qui a trait au costume, à l'ambiance, mais la comparaison s'arrête là. On a donc, comme je disais, un pays en guerre depuis très longtemps, le Nord contre le Sud, et l'un des camps, en fait, qui décide de finalement mettre un terme au combat, va développer une unité spéciale de soldats auxquels ils vont conférer la forme et les capacités de créatures mythologiques. Le Minotaure, les gargouilles, bon, de toutes sortes d'influences, et avec de très très grands pouvoirs. Mais ce qui arrive, c'est que au terme de la bataille, ces êtres-là, ces soldats-là, qu'on a appelés les divins, vont se retrouver dans la population, vont faire face à l'exclusion de par leur apparence, et pour certains même, de par le pouvoir qu'ils ont eu, vont complètement perdre l'esprit. Et on suivra en fait la quête d'une jeune fille dont le père était un de ces divins-là, elle qui recherchait en fait le type qui avait pu le tuer, parce que le père de la jeune fille avait été assassiné. Et c'est là en fait où le côté, la profondeur du truc devient bien intéressante, c'est qu'on découvre que celui qui poursuit, qui tue ces divins-là, ce n'est pas un de leurs ennemis, mais un de leurs anciens compagnons d'armes, leur commandant en fait, qui avait juré le cas échéant, si eux perdaient usage de leur pouvoir, de les poursuivre et de mettre un terme à ça. Donc, il y a quelque chose de très dramatique, de tragique dans tout ça, et qui installe une belle nostalgie qui sert très bien l'ambiance, comme je disais, assez sombre de l'histoire. Et est-ce que c'est un récit qui est une série donc qui est entamée depuis longtemps, qui va se terminer bientôt ou... Comme je disais, c'est tout récent. En fait, les premiers tomes sont parus au début du mois de mars. Bien sûr, bon, la vitesse de publication du manga est quand même assez importante, fait qu'on est déjà rendu à 4 volumes, mais je l'espère, une série qui va se poursuivre encore pour au moins quelques volumes, parce qu'il y a vraiment une belle profondeur, une belle touffeur à tout ça là, qui rend la lecture poignante et qui fait qu'on s'attache énormément aux personnages principaux, mais aussi à tous ceux qui justement ponctuent l'histoire, ces pauvres divins là de quels on partage justement la tristesse, l'échec et tout là. C'est vraiment très très bien. Avec un graphisme classique côté manga ou... Oui, une approche quand même, somme toute, assez dans les usages de la chose. On va y retrouver les grands codes, en fait, les grands thèmes qui sont relatifs justement à ces aventures-là. Bien sûr, hein, comme je disais, c'est dans un contexte militaire, c'est sanglant et tout, donc pour, disons, un public un petit peu plus jeune, je passerai outre, mais à partir de 14, 15, 16 ans, là, vraiment quelque chose à découvrir. Sans long. Et pour garçons et filles aussi, hein, parce qu'il faut pas l'oublier, souvent ce genre de série, on dit c'est seulement pour les... Mais il présente cette personnage, cette héroïne-là qui est très forte, et qui donne aux jeunes femmes, en tout cas à mon avis, là, vraiment l'exemple de quelqu'un auquel on peut s'identifier. Là. Et ton deuxième titre, Édouard Tremblay, c'est Red Dragon de Ikeno Masahiro. Red Dragon, oui, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai trouvé l'approche très très intelligente. L'histoire en fait en elle-même, et c'est un manga vraiment très historique. On est au tout début de la Chine. Bon, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, bon, de la formation de la Chine, hein, avant qu'elle devienne ce grand pays, ce grand empire qui va marquer l'histoire, elle était subdivisée en une multiplicité de royaumes combattants qui s'affrontaient comme ça et qui, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, le royaume de Qin, finisse par unifier tous les autres. Mais pour ce faire, il a dû instaurer un régime assez autoritaire, assez dur, ce qui fait que cette formation d'empire-là ne s'est pas fait comme ça, ex nihilo, ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu écraser plusieurs révoltes, il y a plusieurs gens qui ont pris sur eux d'essayer de s'opposer à ça. Et donc, c'est ce qu'on va suivre, c'est les tribulations de deux jeunes garçons qui, justement, vont essayer de monter une révolte, vont essayer de rameuter tous les gens qui ont été spoliés, qui ont été victimes de l'injustice de ce royaume-là en naissance, et ils vont mener la révolte. Là où ça devient d'autant plus intéressant, c'est que, bon, hein, on entend l'histoire, on entend le contexte, et on se dit, mon Dieu, ben, c'est un manga historique, comme il y en a plusieurs, qui s'adresse à un public adulte, le traitement est fait avec l'approche qu'on appelle l'approche shonen, donc vraiment pour un jeune lectorat, de entre 10 et 15 ans, et on va y retrouver justement les codes, les éléments, c'est-à-dire l'humour, l'action, le côté un peu de quête intérieure de ces jeunes personnages-là, de progression là-dedans. Donc, tout un aspect de petits éléments caractéristiques, justement, de ces séries pour plus jeunes et qui vont nous permettre d'introduire comme ça, d'une manière absolument merveilleuse, une histoire quand même très riche, très complexe, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages, mais aussi une histoire qui est aussi bien pour l'Occident que pour l'Orient, quelque chose de central, à mon avis, à connaître et à apprécier. Donc, vraiment un beau tour de force ici, là, qu'on a accompli. Oui, presque un complément à lire aux côtés du roman des Trois Royaumes, par exemple. Ben, exactement, hein, exactement. Puis c'est que, justement, comme je le disais, on pense aux Trois Royaumes, mais c'est sûr qu'un jeune, à moins d'être vraiment un lecteur invétéré et avide, comme il y en a peu, se lancera pas dans quelque chose d'une telle, justement, d'une telle ampleur, d'un tel poids, même des adultes, les Trois Royaumes, on n'aborde pas ça sur le coin d'une terre pour le plaisir, loin de là. Mais donc, d'avoir réussi à vulgariser ça, à ramener ça à la hauteur de jeunes lecteurs, c'est vraiment un tour de force. Et au-delà de ça, ben on y retrouve, comme j'ai dit, les rebondissements, l'action et tout. Ce n'est pas un essai historique, là. Il y a un plaisir de lecture et qui est constant à travers ça également. Là. Et le troisième titre, enfin, on parle d'une réédition. C'est une réédition de l'adaptation de La Chenille d'Edogawa Rampo par Suhiro Maruo. Oui, là, on change complètement, mais alors là, complètement de registre. D'emblée, je tiens à le préciser, c'est pas une lecture qui va s'adresser à tous les publics. C'est pour un public adulte et même pour un public que je considère adulte et très averti, parce que les thèmes y sont très crus, les images aussi bien sexuelles que de violence y sont omniprésentes et peuvent être très très troublantes pour certains publics. Ceci dit, et je n'insisterai jamais là-dessus, c'est quand même, à mon avis, une lecture qui est centrale et très importante. D'emblée, parce que on adapte une figure très importante de la littérature japonaise, à savoir Edogawa Rinpo. Edogawa Rinpo, le nom le révèle un peu, c'est une nipponisation de Edgar Allan Poe. L'auteur, donc, Edogawa Rinpo, qui était lui-même un grand fan de Poe, et qui, dans les années 20, va être peu ou prou le premier vrai écrivain policier japonais, de par cette admiration qu'il entretient comme ça. Et, au-delà de ça, en parallèle de ça, il va développer tout un mouvement littéraire quand même assez marginal, mais assez aussi particulier, qu'on va nommer l'héroguro. Héroguro qui veut dire essentiellement l'érotisme grotesque. Mm-hmm. Et donc, ce sera, évidemment, on va tenter de ce côté-là, du côté justement des obsessions, du côté des de la noirceur, hein, de l'âme humaine ou de certaines inclinaisons, certains penchants qu'on considère plus sombres. Et c'est ce qui est le cas dans La Chenille, en fait, où c'est vraiment un huis clos, un couple, l'homme, en fait, qui a vécu les horreurs de la guerre, qui a été mutilé sur une bombe et qui est littéralement plus qu'un homme tronc, qui a en plus perdu l'usage de la voix, l'usage des yeux, et qui se retrouve essentiellement sous la gouverne et sous la complète dépendance de son épouse. Son épouse qui va développer tranquillement un mélange de répulsion et d'attirance sexuelle très poussé envers cet agrégat, ce reste d'homme-là. Et donc, comme bon, vous pouvez le sentir, on va aller assez loin dans les pratiques, dans l'horreur. Et ça dénonce aussi, à quelque part, et ça dénonçait déjà à l'époque, cette espèce de côté très très léché, très puriste des Japonais qui gardent ça souvent sous le manteau, et on présente en public toujours une image très pure, très très rigide, très conservatrice, et alors que en privé, eh bien parfois on s'abandonne justement à cette noirceur là que du reste Maruo, qui a un magnifique, très très chargé, mais très très très très beau, va porter de main de maître et va illustrer là avec un très grand brio. Alors ben voilà donc les trois suggestions d'Édouard Tremblay. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, Édouard Tremblay, je le rappelle, l'un de nos libraires en résidence. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, un regard sur la programmation du 31e Festival Québec BD avec son directeur général Thomas-Louis Côté. On va jaser également d'une lecture publique du White Horse de Samuel Quentin et plus. Alors c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée et une excellente semaine sur les ondes de CKRL 89.1.